cœur de la bataille, le chaos. Un écureuil et un rat roulèrent devant moi, se mordant, griffant, enragés. Et parmi le tumulte, Ratti s'avançait lentement, parant une attaque d'un côté puis d'une autre avec une effrayante efficacité. Les deux écureuils furent stoppés dans leur élan par une griffe dans le cœur d'une précision diabolique. Je sais que tu peux te défendre. Défends-toi ! Défends-toi ! Encore assis entre les herbes humides, je tâtonnais d'une main tremblante pour enfin trouver une lance abandonnée. Mes griffes d'épines ne me serviraient qu'en dernier recours. Je ne voulais pas risquer un corps à corps avec Ratis. Je me relevais lentement, en total désaccord avec la furie ambiante. Un écureuil muni d'une lance se jeta sur Ratis. Ce dernier lui arracha l'arme des mains et enfonça ses griffes dans le cou du malheureux rongeur. L'écureuil tomba sur le sol, inerte. Si quelqu'un doit me tuer, ce sera toi! Tout en pressant le pas, il abaissa sa lance sur moi. J'ai juste le temps de parer le coup. La pierre aiguisée s'arrêta à quelques millimètres de mon crâne. Ratis esquissa un sourire. Le jeu commence. Ok, j'ai vu. Contourne pas l'arbre, t'es fou. Mais non, on va arriver derrière lui. Ça y est, on a une vue directe sur le trou de balle de Pierre-Jean Grégoire. Même vue d'ici, c'est toujours moche, hein, hibou. Mais qu'est-ce que tu... Ah, tu lui piques dessus. C'est le but. Ah, une centaine de mon dos, c'est pas du jeu, c'est pas du jeu. Alors, ce hibou, ça fait quoi d'avoir une chauve-souris accrochée sur ton dos comme ça, hein? Ça fait quoi? Ça me fait penser que moi je suis sur ton dos, Bender. Ouais, mais toi t'as pas de griffes au bout des pattes. Ah, ça fait mal. Vire mon dos, je contrôle plus ma direction. Justement, c'est le but. Je comprends. Tu le fais foncer sur cet arbre. Bouz, prépare-toi, je vais lâcher prise. Je veux pas aller dans l'air. Accroche-toi, Bouz. J'y manque pas. On décroche. Waouh. On a descendu le hibou. Il s'est scratché contre l'arbre. Mais alors, je suis pas un des meilleurs top guns que t'as rencontré, petit gnome. T'es le meilleur, Bender, t'es le meilleur. Mais faut qu'on retourne au champ de bataille. Ils vont avoir besoin de nous, les autres. Oh merde, moi qui pensais avoir moins une pause. On est reparti. Squeak, tu t'es débrouillé bien. Ça y est, Ratis. Enfin, l'un contre l'autre. Le tonnerre, il se mit à gronder. Aéole Bertold m'avait parlé du tonnerre, de l'orage, de la pluie. Et même si je savais ce que c'était, je ne pus réprimer un cri de stupeur. Le ciel était devenu subitement noir. Des nuages gris sombres masquaient le soleil. Des lignes cassées lumineuses zébrèrent le ciel. Et la pluie commença à tomber, à grosses gouttes. Et les combats se furent plus violents encore. Des écureuils, des rats mélangés nous écartèrent, Ratis et moi. Je parais l'attaque d'un rat avant de jeter un bref coup d'œil dans le chaos ambiant. Ratis avait disparu. J'étais seul. Seul parmi les morts en devenir. Ça pleut quoi, Mila? Sonnez la retraite! Non, César. C'est notre seule chance. Notre dernière chance de repousser Ratis. Évidemment, si nous continuons, nous serons tous morts. Regardez, votre plan n'a pas fonctionné. Les fourmis n'ont rien encerclé du tout, Mila. Ils réussiront. Laissez-leur le temps. Les oiseaux de Voltaire vont bombarder les troupes de Ratis. Et les nôtres aussi, Mila. Les nôtres aussi. Comment dans tout ce chaos pourront-ils viser juste? Mais pour une fois, faites confiance aux gens qui vous entourent! César, même sans vous, la vie continuera. Alors laissez-leur le moyen de prouver qu'ils peuvent défendre Éole, même sans les vous! Les araignées nous attaquent! Merde, comment elles sont passées? Elles nous ont contournées! Mila! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Mila, ne bougez pas! Ils nous ont pris dans une toile!